Les formations sud-coréennes, y compris l'organisation des habitants pour la rétrocession en état normal de la base militaire américaine de Ryongsan et le Conseil de mesures civiles et sociales contre l'introduction et l'essai illégaux du bacille du charbon, ont tenu une conférence de presse le 17 août à Ryongsan, Séoul, pour exiger des autorités de rendre publiques les informations relatives à l'enquête sur la pollution de l'environnement de la base américaine.